poussaient les arbres morts. Quand mon cœur se balance autour de toi, je résonne fort et fais sonner mon âme. Nous sommes.